Chers collègues, j'aimerais partager avec vous des témoignages de travailleuses en souffrance, en espérant que vous entendez comme moi je les attends. Rachel Keke. Sylvie, qui travaille comme femme de ménage, me dit, Rachel, j'ai 57 ans. Je ne sais même pas si je tiendrai jusqu'à 60 ans. Valérie, 55 ans, me dit, qui est caissière, me dit, mon corps est si fatigué. Je ne sais même pas comment tenir jusqu'à 62 ans, 64 ans, c'est impossible. Nadia, qui est aide-soignante, me dit, je dois aider les gens, mais avec 2 années de plus, qui va m'aider? Je l'ai dit ici, haut et fort. Vous ne comprenez pas, vous qui êtes pour la réforme de retraite à 64 ans, vous ne comprenez pas la durée de vie des gens. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Vous ne comprenez pas ceux qui disent avoir mal au dos au réveil. Vous ne comprenez pas parce que vous prenez des, pour ceux qui prennent des médicaments pour pouvoir tenir au travail. Vous ne comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main et dire, moi aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne, parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. C'est pourquoi vous voterez contre cette réforme de retraite. C'est pourquoi je vous remercie. Par exemple, la gauche dit des fois il faut faire rêver. Moi, je ne dirais pas il faut faire rêver. En fait, il faut être séduisant. Il faut plaire. Mm-hmm. Il faut qu'on ait envie. Et moi, pourquoi j'ai fait Notre Joie? Parce qu'en fait, depuis 5, 6, 7, 8 ans, peut-être plus que ça, j'en rencontrais plein des M, en fait. Mm. J'en rencontrais dans ma vie perso, j'en rencontrais en tant que perso public, et qui me faisaient valoir le fait qu'eux, ils avaient été, quelle avait été leur fixation affective politique, c'était sur Alain Soral. François Bégodeau. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, il a été remplacé par d'autres youtubeurs fachos. Mais c'est Alain Soral qui a beaucoup joué dans ces années-là de formation. Et Alain Soral, ça leur a plu à ces mecs. C'est des mecs, hein, important. C'est des mecs, souvent. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur a tellement plu chez Alain Soral? Ben, peut-être la puissance du verbe, peut-être tout un tas de choses que j'essaie un petit peu de décrire. Eh bien, je pense que, bon, ça m'est arrivé de voir que les mêmes jeunes hommes, parce que c'est vraiment des trucs de jeunes hommes, c'est vraiment important, de 15 à 30 ans, je dirais, me disent, ah, que d'un seul coup, quand même, il y a quelque chose qu'ils trouvent un peu séduisant chez moi. Ils peuvent trouver séduisant d'autres intellectuels. C'est la radicalité. Mais, alors, je sais pas. Non, je pense que c'est... Ben non, parce que ça passe par plein d'autres trucs. Ouais. Je dis pas que c'est une question de gueule ou tout ça, c'est pas ça. Je pense que c'est un truc, à mon avis, il y aurait mille choses à dire là-dessus, j'y reviendrai probablement dans un livre, mais il y a un truc, par exemple. Je pense qu'il faut que la gauche arrête de gonfler les gens avec la morale. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qui les emmerde, ces jeunes hommes-là. Ce qui les emmerde, c'est la morale. Alors après, on n'a pas tort de temps en temps d'avoir des axiomes moraux. On n'a pas tort de dire une insulte homophobe est immorale. Et donc, on doit l'interdire de la place publique. Absolument. Donc, c'est normal qu'on ait des axiomes moraux. Autre chose est d'avoir des postures morales, des attitudes morales qui fassent penser à ces jeunes hommes-là en quête de politique et en quête de contestation. Ils ont 15 ans, ils cherchent quoi. Hein, qui leur font penser que la gauche devient une machine à délivrer des axiomes moraux, hein, en tout cas des orientations morales, et qu'elle serait réductible à ça. Et ça se voit parfois dans certaines postures de la gauche, et là on reviendrait au corps, on a des postures parfois un peu de donneurs de leçons, et bien ces postures, il faut arrêter avec ça. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut arrêter ces postures tout en maintenant quand même notre socle moral, parce que nous en avons un, et nous faisons bien d'en avoir un, hein, je veux dire, c'est là que ça devient compliqué, il y a un espace étroit, essayer de mettre en avant peut-être d'autres axiomes que la stricte morale, et par exemple le réel. Voilà. Par exemple le réel, et puis aussi dire que ça fait, je sais pas, je vais le dire un peu crûment, pardon, hein, ça fait jouir d'être de gauche. Parce que un parfois. Autre auteur le dit en ce moment. Je ne sais pas qui le dit. C'est... Michael Foucault. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas encore lu son livre. Je n'ai pas encore lu son livre. Non, mais, non, mais ça m'intéresse parce que, effectivement, je pense qu'avec Foucault, on fait à peu près le même constat. On est un peu dans les mêmes eaux et dans la même inquiétude que la gauche soit devenue un peu pisse-froid. Alors qu'elle a, elle a été longtemps du côté des forces vitales, en fait. Et il faut qu'on soit du côté des forces vitales, sinon on passe pour des rabat-joie et j'allais dire des peines à jouir. Soyons crus jusqu'au bout. Parce que je vois bien que les jeunes hommes comme M, là, il y en a plein, et ils sont un peu tangents. C'est-à-dire que ça pourrait être... peu de choses pourraient les faire basculer ici ou là, bien sûr. Et c'est ce genre d'éléments-là qui font toujours se demander pourquoi ils ont trouvé séduisant Alain Soral. Après, on peut répondre de façon plus sommaire. Hein, peut-être qu'ils ont trouvé séduisant Alain Soral tout simplement parce qu'ils sont antisémites. Et que donc, il y avait un type qui délivrait de l'antisémitisme au kilo. Et donc, voilà, il y a aussi parfois des modes d'adhésion à Alain Soral qui sont de toute façon irrécupérables. Mais là, je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je ne parle pas de l'antisémite caractérisé ou du racisme incurable. Je parle plutôt de, voilà, des M, quoi. Et ils sont nombreux, croyez-moi, ils sont très, très nombreux. Et je dirais que la gauche, je ne sais pas si la gauche les a perdus, mais en tout cas, la gauche n'a pas su les séduire. Micro ouvert. Voilà, nouvelle rencontre. Hein, ça se passe dans un café encore. J'espère que le son... Bah ça, on entendra bien nos voix, ça, c'est pas le souci. Mais des fois, l'arrière-fond peut être un peu chiant à la longue, quoi. Vous avez bu quoi, vous? Secret, on peut pas le dire. Non, oui, c'est une potion magique. C'est de la chouffe. Est-ce qu'on peut dire votre nom, prénom? Vous êtes à l'aise avec ça? C'est Renard, je sais que c'est Renard, Michel Renard. J'allais dire Muriel. Michel Renard. Voilà, on se rencontre, on ne se connaît pas. Et c'est dans cette idée de micro ouvert qui rencontre les gens. Donc voilà, je rencontre un Jean. Et au départ, on se rencontre pourquoi? Parce que vous avez écrit. Vous avez écrit sur la toile. Et bah moi, je propose que vous lisiez votre écrit. Comme ça, on comprend pourquoi... Après, je peux mieux exprimer aussi pourquoi j'avais envie de vous rencontrer et vous avez accepté. C'est toujours génial, ça. Oui. Ben, en tout cas, merci d'abord de m'avoir invité. Attendez de voir. Non, ben quand même, déjà, au niveau de l'invitation, je trouve que c'est déjà intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu un intérêt pour ce que j'avais écrit en entendant et en lisant par ailleurs ce qui était dit à propos d'une émission et d'un animateur de la RTBF, donc Média de Service Public, à propos de l'actualité, notamment sur la question de la peine de mort, notamment. Et cela m'a fait réagir parce que je trouvais que c'était la confirmation d'une dérive que je constate depuis un certain nombre de temps. Combien de temps ? Oh, écoutez, ça fait plusieurs années, je pense que... vous dire précisément combien, je ne sais pas, 3... Mais voilà. Précisément, non, mais je veux dire, ce n'est pas depuis hier non plus. Ça fait un certain nombre d'années, je dirais, que je constate qu'effectivement, en donnant l'impression d'une démocratisation de la participation des gens à la chose publique, on fait des émissions qui sont des raccourcis de la réalité vécue. C'est ce qu'on appelle en général le micro-trottoir, ou l'expression d'émotions non contrôlées, mais qui ont des connotations de type idéologique dangereuse, et qu'il n'y a pas... que les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, c'est encore leur droit de dire ce qu'ils veulent, ce que je ne supporte absolument pas de la part d'un média de service public, c'est qu'il n'y ait pas, dans ce cadre-là, un filtre qui permette de rectifier un certain nombre de choses, de mettre les déclarations en perspective, de les mettre dans un contexte, dans les mettre dans un schéma de valeurs. Lorsque l'on parle de la peine de mort et qu'on entend des gens qui disent « moi, je les égouillerais parce que c'est des PD et compagnie », et qu'il n'y a pas un journaliste qui peut intervenir ou qui intervient. Mais il parlait de quoi Notamment, il y avait une dame qui disait « moi, je suis pour la peine de mort et il faut que... » Mais il s'agissait de qui? La peine de mort sur qui, sur quoi? Sur des pédophiles. Voilà. Donc, je trouve que c'est inadmissible d'en revenir à l'idée de la peine de mort, alors que sa suppression a été un progrès social et sociétal inimaginable. Vous parliez aussi de racisme. J'aimais bien, oui. Parce que là, vous faites... Mais c'est sûr qu'il y a plein de sujets. Si vous lisez, voulez, parce que je trouve que c'est toujours plus nuancé. C'est plus... Ah oui. Bah, allez-y. Mais je vais lire alors ce que j'ai écrit. C'est pas un problème. Parce que en fait, quand vous venez de parler comme ça, vous allez réécouter, et moi aussi après je vais réécouter. On est un peu dans le spontané, donc on faut faire gaffe aussi à ce qu'on dit, à ce qu'on dit pas. Enfin voilà. Oui. Mais ce que vous venez de dire, si vous lisez pas, ça fait comme si je vous invitais parce que y a des gens qui sont pour la peine de mort par rapport à des pédophiles. Vous saviez pas ? Je suis sûre que. Il y a 50 ans, c'était pareil. Vous allez interviewer des gens. Il y a toujours eu des gens qui étaient pour la peine de mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça. Lisez votre document. Bon, je vais retrouver le texte parce que je crois que j'ai... Il a bougé, vous l'aviez pas ? Un peu bougé, Donc je voulais dire que c'était, pour moi, en tout cas, c'est ça qui m'a fait réagir. C'est évidemment de savoir qu'un animateur de radio et de médias publics a laissé dire et a laissé faire ça. Et donc, par conséquent... En prenant du recul, je me suis dit que c'était pas simplement l'affaire d'une personne ou d'un animateur, mais que je constatais depuis un certain nombre de temps, et l'année même, qu'il y avait une dérive dans le laisser-dire et dans le laisser-faire qui faisait volontairement ou pas. Mais si c'est volontaire, c'est grave. Et si ce n'est pas volontaire, c'est vraiment d'une inconscience incroyable, parce que on laisse se confirmer un certain nombre d'orientations et de démolitions de valeurs essentielles de notre société démocratique et de bien-être, qui fait que... je m'excuse, mais ça s'éteint, donc je ne sais pas m'en tenir au texte. Hein. Oui, mais chaque fois, vous... Ben oui, mais le problème, c'est que ça s'éteint tout le temps. Alors, c'est, ou bien... Allez-y. Chaque fois, vous repartez, soyons un peu cohérents, quoi. Enfin, à moins que vous n'aimiez pas lire, alors vous me le dites. Mais si, je peux lire, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas, en effet, que le problème d'un animateur, mais c'est le problème gravissime de la dérive droitière et populiste d'un certain nombre d'émissions, donnant l'illusion de donner la parole aux gens en laissant se distiller sans nuance, dans les cerveaux formatés de plus en plus nombreux de gens, des idées d'extrême droite réclamant le retour à la peine de mort et un pouvoir autoritaire, et en accentuant le dégoût à l'égard et l'écart entre la population et les élus. Un média de service public, pour moi, se doit de mettre l'information et l'éducation permanente au service de la lucidité et de l'intelligence collective pour le mieux vivre ensemble, et pas à encourager de fait des comportements de haine et de violence. Et j'interpelle aussi, bien entendu, puisque la RTBF est le média de service public dans question, le conseil d'administration, dans toutes ses composantes idéologiques, qui doit prendre une attitude par rapport à se laisser faire, et cette tendance qui me paraît être grandissante au travers d'un certain nombre d'émissions. C'est fini ? Ok. Bien. Je ne sais pas si je dois encore ajouter quelque chose à ce que j'ai dit, mais... Et ce que je viens de vous lire vous donne comme réaction aussi, qui me permettrait éventuellement de rebondir. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire que tout est relié, quoi, en gros. Tout est relié. On est dans une drôle de politique menée, là. Ça pue, quoi. Ça pue dans le sens que ça prend des drôles, enfin... Des drôles de couleurs, tout ça, cette politique menée en ce moment, c'est comme, bah, vous avez entendu que l'État était hors la loi, par rapport à, par exemple, à la migration, aux demandeurs d'asile, enfin, tout ça, c'est énorme, parce qu'il y a aussi toute une présence de gens qui se mobilisent, qui bougent, qui défendent les gens, et en fait, on sait plus très bien comment s'y prendre, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que... Vous voyez, oui, oui. Et donc, ça, c'est une chose. Et puis, voilà, vous écrivez comme ça un petit article. Et je me dis, ben oui, ça va évidemment ensemble. Les médias, vous voyez, les médias, on dit, servent pas les peuples. Je veux dire ça comme ça, servent pas les peuples, mais servent aussi les pouvoirs, quoi. Quand on observe un peu l'évolution des médias, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient audiovisuels, je dirais, bon, il y a les médias, et notamment en France, c'est un exemple terrible, c'est que... Oui, mais je vais y venir, mais la mainmise de la grande finance sur les médias, s'ils investissent autant de fric dans les médias, c'est pas pour rien. Eh ben justement, c'est quoi, pourquoi alors ? Je pense que c'est pour asservir les gens à une culture et à une idéologie qui s'abstrait complètement des réalités que les gens vivent. Et donc, il les empêche de prendre vraiment la mesure des difficultés qu'ils ont. Si ce n'est de temps en temps, et encore, ça ne sert à rien, ce côté émotionnel permanent qui ne permet pas aux gens de faire des analyses, mais qui permet strictement de se libérer de leur pression, etc. Et donc, je pense que c'est cette mainmise de l'aspect financier capitaliste, appelons ça comme ça, sur les médias, ne se fait pas pour rien. Des gens ou des groupes qui avaient l'habitude d'investir dans l'industrie, dans la finance et compagnie, voilà qu'ils investissent dans des médias et dans la culture. Ça a toujours été comme ça un peu, non ? Seulement aujourd'hui... Attendez, on échange. Je développe mon truc et... J'ai dit, ça a toujours été comme ça, mais sauf qu'il y avait un contre-pouvoir. Mais maintenant, ce contre-pouvoir, on se demande où il est. Je pense que, effectivement, on peut se poser la question. Où est le contre-pouvoir ? Mais Michel, toi, tu fais une petite présentation de... Parce que toi, t'as 70 et des balais ? J'ai bientôt 74 ans, oui. C'était quoi ton job ? Et ma trajectoire essentielle sur le plan et professionnel et militant, c'était le syndicalisme. J'ai été permanent syndical pendant 35 ans à la CNE. Tu veux dire que t'étais un professionnel du syndicalisme, toi ? C'était ton job, t'étais payé pour être syndicat. Mais j'étais payé par les affiliés, et uniquement par les affiliés, et pas par les financiers ni par l'État. Hein? Ouais, enfin ça, ouais. Non, par les affiliés, par les gens qui adhéraient au syndicat. Voilà, mon salaire, c'était ça. Et c'est le salaire de tous les permanents syndicaux, que ce soit de la CSE ou de la... Je viens de comprendre, en fait. Oui, OK, c'était... Waouh, il y aurait plein de choses à dire, alors, sur le syndicalisme d'hier et d'aujourd'hui. Oui, je ne suis pas opposé au fait d'avoir des analyses critiques. Mais des analyses critiques qui se posent des questions par rapport à l'efficacité de la résistance syndicale actuellement, sans être un esprit démolisseur. Hein, parce que je pense que je concourrais très largement, alors si je le faisais, à participer à la volonté destructrice d'un certain nombre de partis de droite et d'extrême droite et du patronat que de démolir les organisations syndicales. Il faudrait un peu... Pardon ? Que de démolir les organisations syndicales de gauche, pour qu'on comprenne bien. Il y a peut-être une seule organisation syndicale dont de droite, c'est l'obédience libérale. Bon. Ok. Mais moi, j'étais étonné de savoir que ça existait, vous voyez. À quoi ça existe ? Je me pose toujours la question du sens que cela donne pour les gens. Mais je pense que c'était essentiellement une opposition. Mais ça, c'est une digression par rapport à ce qu'on dit. Mais c'est simplement une opposition par rapport à des évolutions syndicales des deux grandes organisations syndicales de ce pays qui à un moment donné... Qui sont lesquelles ? Bah, qui sont la CSC et la FGTB, bien entendu. Comme ça, tout le monde... Hein, parce que les jeunes qui suivent derrière, ils... D'accord. Et même moi, de toute façon, je ne suis pas né dedans. Donc oui, c'est deux gros... Allez, je fais de l'éducation permanente, direct. Oui. Voilà. Donc, les organisations syndicales restent normalement une capacité de résistance importante. Normalement, oui. Mais aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui matin... Si vous êtes bien attentive... Non, je ne suis pas toujours attentive, monsieur. Il y a une belle action de désobéissance civile. Oui, j'ai suivi. Expliquez. Ben oui, mais qui est orchestrée par la CNE notamment, dont j'ai appartenu, et différentes organisations et mouvements écologistes ou autres. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont occupé simultanément trois cabinets, qui sont les cabinets de... Enfin, pas des cabinets, pardon, je m'excuse, les partis politiques qui sont la composante francophone de la Vivaldi du gouvernement, c'est-à-dire le Parti libéral, le PS et les écolos. Et les écolos, ben le MR, MR, PS et écolos. Voilà, c'est les trois partis actuellement francophones. Hein. On ne parle pas des flamands, mais... Enfin, et donc, ils ont été faire du bazar là-bas pour... Ils ont été dire, maintenant, ça suffit. Vous allez écouter ce qui se passe dans la rue. Vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre, de bouger, malgré les grosses manifestations qui ont eu lieu et qui risquent d'avoir lieu. Ben, nous passons maintenant à un type de communication un peu différente. On vient occuper vos bureaux jusqu'à ce que vous dites on vous entend, on vous comprend et on va décider une politique différente et qui correspond à la demande des gens, et qui, en tout cas, à la demande des gens, et particulièrement des plus défavorisés, qui sont malheureusement les plus défavorisés, ceux qui sont les plus victimes de cette idéologie néolibérale et qui succombent à des émissions de ce type micro-trottoir et qui expriment leur ras-le-bol comme ils le peuvent, mais évidemment, n'ayant pas non plus une formation et une éducation permanente, que devraient pouvoir assumer des médias d'information publique. C'est leur responsabilité d'éduquer au civisme et à la vie en société. J'entends bien ce que tu dis, et justement, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter. Oui. Parce que les gens qui nous écoutent, ils disent... Ah. Mais moi, je pense que les gens ne sont pas non plus cons. Hein. Même ceux qui ont ras des pâquerettes ne sont pas cons. Hein. Ils voient bien aussi, des fois... Je ne voudrais surtout pas cataloguer les gens de cons. Mais je pense... C'est parce que toi et moi, on réfléchit. C'est que, oui, on aurait une tendance à dire que monsieur, madame, tout le monde, fatigué à devoir gérer les enfants, le repas, le travail. Hein, on a aussi... Il se tape devant la télé, il ne veut plus trop penser, il veut qu'on le divertisse. Oui, il y a cette image-là. Et puis moi, je me dis vraiment... Aussi, tu vois, quand tu discutes avec des gens de la rue, ils ont très bien compris toute la dynamique. Hein. Je crois toujours au bon sens et à l'intelligence des gens, et particulièrement des gens que l'on dit les moins qualifiés, les plus proches des difficultés, etc. C'est vrai, mais je pense que le poids des difficultés, de leurs difficultés, et l'incapacité ou la non-volonté politique d'aller à la rencontre de ces populations-là et de ces difficultés-là fait que les gens se découragent, ne voient pas que la capacité de changement ou la volonté de changement. Et donc, après cette déception, c'est la fatalité qui prend le pas. Et après la fatalité, c'est le dégoût. Ils sont mal informés, quoi. Aussi. Ils sont mal informés. On leur raconte n'importe quoi. Alors, il ne faut pas leur demander nécessairement d'avoir été obligés de faire des études supérieures et universitaires pour être les intelligents qui vont changer les affaires. Je pense que les gens qui sont intelligents et qui ont fait des études devraient d'ailleurs capter beaucoup plus souvent l'intelligence que recèlent les gens qui vivent les situations sur le terrain. Tu le penses vraiment, Michel, ou bien c'est vraiment de la... Mon expérience de syndicaliste pendant 35 ans m'a permis de l'affirmer avec une certaine fermeté. Non, parce que moi aussi, hein, je rencontre beaucoup de gens, et franchement, les gens qui sont les moins diplômés, qui sont, comment on pourrait dire, les gens de la rue, je trouve qu'ils ont encore... du bon sens, ils ont un cœur, que ceux qui sont des fois plus qui sont plus... Attends, on partage la parole, parce que sinon t'entendras, sinon je suis coupée comme ça. Oui, d'accord. Bon, j'ai un peu perdu mon fil. Bon, vas-y. Non, mais tu parlais de bon sens des gens qui, effectivement, on rencontre cela. Et c'est vrai que cette intelligence et ce bon sens-là... malheureusement, ne contrecarre pas suffisamment Et c'est là qu'il y a, il y a une faiblesse sur le plan des mouvements qui doivent relayer cette, la difficulté des gens. C'est cette incapacité de transformer la situation des gens en révolte plutôt que... Et donc on voit se dessiner plus le découragement, la fatalité, et donc des orientations vers des dérives qui sont dangereuses, parce que pour eux, plus, ils sont tous pourris, tous les partis se valent, il n'y a plus aucune nuance à faire, c'est des profiteurs, etc. Mais moi, je comprends cette pensée. Hein. J'aurais envie de dire la même chose, on n'a plus envie d'y croire, hein, quand tellement c'est devenu du professionnalisme, du business, des voix... Tu vois, des voix que l'on, pour voter, quoi, c'est, donc, on n'a plus trop envie d'y croire. Mais donc, moi, je peux aussi dire que je comprends. Mais comprendre, ce n'est pas favoriser. On peut comprendre, et il faut comprendre. Ce n'est pas favoriser, qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, je veux dire que quand je dis favoriser, enfin, non, c'est peut-être pas favoriser qu'il faut dire. Je comprends, en tout cas. Les gens, et il faut absolument les comprendre. Et il ne faut pas brutalement dire oh, ce que tu as, c'est de la connerie et compagnie. Donc, ça, je suis bien d'accord. Il faut décrypter avec eux et analyser avec eux dans des termes qui leur sont propres, qu'ils comprennent, avec lesquels ils peuvent avancer, faire un peu d'analyse et dire ah oui, après tout, si je devais voter pour l'extrême droite, je me tromperais largement. Parce que ce n'est pas les valeurs que moi je défends, enfin que eux défendent. Et donc je trouve que là, il n'y a plus assez d'éducation permanente qui permet aux gens... Enfin, je vais ça n'existe pas... plus, hein, ça, Michel, d'éducation permanente. Non, mais je t'ai dit, mais en même temps, tu parlais aussi du vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut plus rien dire aujourd'hui, hein. Ben, je pense que ça veut encore dire beaucoup de choses, parce que je pense que la proximité, par exemple, et la solidarité de proximité, elle est encore réelle. Moi, je la constate quand même très souvent. Quand il se passe quelque chose dans un quartier, dans une école ou dans un village, rapidement, ou dans un hôpital, parce qu'on est en train de retirer le droit de séjour en Belgique à un travailleur qui travaille dans l'hôpital depuis je ne sais combien d'années, et parce qu'il n'a pas son permis de séjour. Oui, j'ai vu passer ça. Eh bien, le personnel se mobilise. Dans une école, même chose pour des enfants des familles. Heureusement encore, hein, parce donc, que sinon on serait vraiment perdu. Évidemment, hein. On irait tous se jeter dans la Sambre en même temps. Mais... Ça veut dire qu'en gros, il y a encore la solidarité de mon voisin, de l'école, comme tu dis, ou de je ne sais pas quoi. Oui, ou du travail. Mais il n'y a plus vraiment un mouvement fort de révolte. Parce qu'au fond, si on regarde, on sait bien que la force, elle est du côté des oui. gens. Ben oui, et il faut pas, je ne pense pas qu'il faille désespérer de tout. Quand je vois ce qui se passe en France, pour le moment, enfin, il y avait quand même des années et des années qu'on n'avait plus mis 2 millions de personnes dans les rues. Hein. 2 millions de personnes dans les rues. C'est quand même... Ouais, mais c'est en... non, mais le problème, c'est quoi le moteur de ça? C'est avoir, enfin, en même temps, c'est pas que je crie. Ouais, mais c'est pas vraiment un mot. Attends, parce que sinon les gens comprennent pas. Moi, Michel, il est. Tu m'écoutes, Michel? Ok, écoute, parce que du coup, ça résonne. Donc, 2 millions de gens dans les rues. Oui, le nombre est balèze. Mais c'est quand même pour ces petits droits, pour... c'est quoi la pension ? C'est pas un petit droit, hein, qui permet des... Ben, c'est quoi un grand droit pour toi ? Parce qu'un petit droit, quand tu as travaillé pendant 40 ans et qu'on te dit « Ah ben non, écoutez, maintenant, non, ça sera plus, hein, vous travaillerez encore plus longtemps pour bénéficier d'une pension dont, de toute façon, il faut savoir aussi quels sont les revenus d'un pensionné. Moi, je le suis maintenant. Hein. Donc, ça donne quoi ? Ben, écoute, par rapport à ce que je gagnais avant, ben, c'est quand même 30 à 40% moins cher. Hein. Plus faible. Hein. Bon, voilà. Sans compter un certain nombre d'avantages qui étaient liés au boulot. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas ça l'objet du débat. Mais non, la pension, il faut quand même pas exagérer. La pension, c'est pas un petit problème. Hein. C'est quand même la perspective d'une fin de carrière, d'une autre vie qui peut encore s'exercer, et pas d'arriver métro, boulot, caveau. Hein. C'est loin de là, chez nous, dans nos pays, là. Enfin, après, ça commence. J'ai entendu des gens... Oui, bah, attends. Il y a des gens qui ont leur pension. C'est pas suffisant. Maintenant, ils doivent trouver un complément pour avoir un travail. Donc, la retraite, petit à petit, elle est occupée à la... le système est occupé une retraite, à la manger. Et donc, la retraite... Ça va devenir comme une vieille histoire, quoi, si on se bat pas, si j'ai bien compris. Donc, la retraite, c'est la capacité qu'on a à un moment donné, après l'avoir accompli, et de plus en plus durement. Mais enfin, ça n'a jamais été facile dans un certain nombre. Attends, tu permets aussi, quand même. D'arriver en bonne santé. Mais tu sais, moi, je viens de donner la parole, je viens de t'écouter, tu vois. Oui. Donc, t'inquiète, on t'entend. Mais moi aussi, je réagis avec ce que tu dis. Ah, oui, je veux dire, tu trouves ça une vie de travailler toute sa vie comme ça, à l'usine, pour. Et puis après, si t'as ta retraite. Tu trouves que le système, il y a quelque chose, il est cohérent comme ça. Ouais, bon, enfin, ça, si t'as autre chose à proposer aux gens qui peuvent faire. Que d'être effectivement des asservis au boulot et dans des conditions de travail de plus en plus difficiles, tu peux me proposer quelque chose d'autre qui soit du domaine viable, hein, parce qu'il faut aussi que les gens vivent un peu décemment quand même aussi. Donc, c'est quoi que tu appelles vivre décemment? Je ne sais pas, en tout cas, avoir des salaires de misère qui sont de plus en plus vrais, et pour la majorité des femmes dans la plupart des secteurs de commerce, de nettoyage, etc., et qui arrivent en fin de vie ou en fin de carrière professionnelle quand elles y arrivent avec des pensions de misère. Et puis quoi? Ce sont des femmes seules et des gens qui n'arrivent même plus à l'âge de la pension parce qu'ils sont épuisés au boulot et qui, pour des raisons médicales, doivent arrêter précipitamment. Et donc, par conséquent, on affaiblit leur revenu. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est pas ça l'objectif d'une vie en société et d'une vie digne et une vie humaine. Oui, et mais donc, attends, mais moi, c'est gens, ça. Tu n'aurais pas 2 millions de personnes dans les rues en France si le problème de la pension était un problème mineur, hein. Mais attends, mais je crois pas que c'est une question du nombre de gens dans la rue, c'est une question du sens. Écoute-moi, c'est une question du sens. Oui, il y a 2 millions de gens dans les rues parce que ça concerne son soi, sa vie, tout de suite, directement. Si j'ai pas assez pour vivre une fois que j'ai fini de travailler, et putain, j'ai quand même travaillé toutes ces années, j'ai quand même droit à une retraite. Oui, tu vois, c'est collectif, mais en même temps, c'est très individualiste comme... Comme manière de mettre la chose sur la table. Ce qui serait intéressant, je trouve, c'est de rediscuter de ce travail comme ça pendant 40, 50 ans dans la même usine ou dans le même métier minable. Ça, ce serait pour moi un vrai combat à mener, quoi. Tu vois, la pension, de toute façon, Et puis après, combien il faut pour vivre. Enfin, tu vois, ça, suivant. Après, il y a les loyers qui coûtent la peau du cul. Qui est propriétaire, qui ne l'est pas? Enfin, tu vois, c'est ça toutes les questions aussi. Mais je pense que, je pense que tu méconnais probablement un peu fort les revendications syndicales et les combats qu'on mène aussi pour l'amélioration des conditions de travail, de vie des gens. Parce que dans l'entreprise, évidemment, il y a énormément de choses à faire et ça va plutôt en régressant qu'en s'améliorant. Quand on fout 1500 personnes de chez Mesdac dans les mains d'Intermarché qu'elles ont... Elles ont pu pendant des années, parce que le personnel de chez Mesdac a acquis de l'ancienneté bien plus importante que dans les supermarchés d'Intermarché ou d'ailleurs, et qu'on leur dit vous pouvez encore avoir du travail, mais à des conditions qui sont moindres que celles que vous avez, parce que vous allez être engagé maintenant par un indépendant qui n'est pas lié aux conventions collectives de travail que vous aviez. Voilà. C'est et clair. On se bat pour ça. On parle des droits, les droits, on est occupé à les perdre, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Les droits, c'est ça, les droits de bonnes conditions de travail. Les gens se sont battus durement pour faire en sorte qu'au fur et à mesure du temps, leurs conditions de travail s'améliorent parce que les organisations qui les représentaient ont négocié des conventions collectives. Et puis Barlaff, avant de croire que leur carrière est terminée décemment, on les jette, quoi. Soit au chômage, soit dans les mains de quelqu'un qui va les sous-payer. Et c'est énormément. Moi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, c'est quand même incroyable le nombre de statuts précaires qu'il y a maintenant dans le monde du travail. Michel, moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je ne suis pas pour ça. Donc, on est du même côté, mais on ne voit pas exactement la même chose, tu vois. Moi, j'ai envie de dire... Où est passé le combat ? Tu vois, où est passé le combat ? Écoute ma pensée. J'essaye de penser par moi-même, bien qu'on pense pas, qu'on pense jamais par soi-même. On est toujours influencé par un livre, par un blabla avec quelqu'un. Donc on pense jamais par soi-même. Mais je veux dire, je ne fais partie d'aucun syndicat ou d'aucun. Tu vois, j'essaye de penser le plus juste possible. Alors je fais, là, c'est vachement prétentieux. Hein. Mais on se demande. Tu vois, pourquoi aujourd'hui, ça part comme ça en cacahuète, quoi. On a l'impression que, oui, monsieur, madame, tout le monde qui travaille, où c'est pas facile, où ont pas grand-chose, ont des vies, c'est-à-dire qu'ils sont pas... C'est pas des riches, quoi, hein, de famille de riches. Ça, c'est la plupart des gens, quand même, qui travaillent. Eh bien, ils ont voulu... Quand je dis « ils », je pourrais dire « on hein. ». On a voulu la part du gâteau aussi, tu vois. On a notre manière de penser, c'est embourgeoisé aussi. Tu comprends, je veux dire, c'est comme si on s'était fait acheter, quoi. On s'est fait acheter, et du coup, ben voilà, maintenant, on est là. C'est vraiment la cata, quoi, maintenant, tu vois. Mais on se demande où vous étiez. Enfin, tu vois. Tu sais, ça serait vraiment trop long. Il faudrait une émission de 8 heures pour refaire l'histoire des luttes syndicales et de l'évolution des choses. Hein. Parce que la parole, mais je veux dire, j'ai aussi pas mal lu hein, sur toute l'histoire, justement. Il y a des gens qui sont morts, quoi. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour... Bah, oui. Mais regarde où on en est aujourd'hui. Enfin, on est loin de ça. On est loin du sacrifice. Oui, bah, écoute, quand il y a moyen... Et c'est ça aussi qui, à un moment donné, prévalu, c'est qu'il était possible d'imaginer un progrès social sans devoir tuer des gens. Hein. Écoute, c'est quand même un progrès social, ça. Que d'imaginer qu'un progrès puisse se réaliser sans nécessairement qu'il faille que des gens se tuent ou qu'on les tue pour y arriver. Attends, t'as vu comment les gens se tuent au travail ? T'as vu dans quelles conditions ils vivent ? Alors nous, on est du beau côté. Tu comprends alors que par conséquent, la pension, c'est important pour les gens d'y arriver en bonne santé et dans de bonnes conditions. Du coup, on réfléchit au travail, alors. Du coup, on réfléchit au travail en lui-même, tu vois. Ben, je crois que ça ne manque pas d'être fait. Et si tu voyais les revendications et les dynamiques syndicales qu'il y a dans les entreprises pour améliorer encore les conditions de travail et de ne pas accepter les dictats des patrons. Mais tu vois, maintenant, il faut se battre pour empêcher que des robots ne viennent remplacer, par exemple, des vendeuses dans les magasins. Quand je vois les gens qui passent à la caisse spéciale avec leur scan en se passant des caissières, c'est quand même inimaginable. C'est pas les gens les responsables, c'est le système qui met ça en place. On devrait aller casser ça. Ben, oui, c'est ça, ou faire payer... Tu connais le mouvement des ludites ? Le mouvement des ludites ? Non. Ben non, mais j'en ai peut-être déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Enfin, en 1800. C'est quand les premières machines sont arrivées et ont empêché l'artisanat de se faire, en fait, le mouvement des ludites est allé casser les machines. Notamment en Angleterre. Voilà. On les a déportés, on les a tués, enfin, tu vois, c'était énorme, quoi. Oui, mais non, c'est énorme. Donc, évidemment... Regarde où on en est aujourd'hui. Oui, donc on est dans un phénomène de régression, effectivement, où je n'exclus pas que des violences soit nécessaire ou imposé pour solutionner les affaires. Hein. C'est ça le problème. Mais c'est quand même dramatique d'en arriver là. Mais c'est l'histoire derrière qui nous la raconte. Hein. Je veux dire, les gens se sont battus, il y en a qui sont morts, il y en a beaucoup qui sont morts. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se battent dans certains pays, qu'on tue. Oui, mais enfin, c'est pas une référence en soi que de dire qu'il faut absolument avoir un nombre de morts incroyable pour imaginer qu'un début de projet, de progrès puisse se faire. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans, nous, on est dans les sociétés modernes un peu endormies du cerveau. C'est comme si on avait oublié. Oui, attends, c'est comme si on avait oublié, c'est comme si ça allait se faire par magie, comme ça, que les rapports de force, où il y a des guerres dans le monde, ça allait changer. comme ça, en cliquant, tu vois, on a oublié que c'était du combat. Eh bien oui, et c'est pour ça que notamment l'éducation permanente, la formation que des médias de service public devraient pouvoir donner, c'est ça, c'est de rappeler ce qui s'est passé, c'est de dire quelles sont les conditions de changement, etc. Il n'y a aucune raison que des médias de service public, c'est-à-dire qui sont payés par la collectivité, pour la collectivité, ça empêche de former les gens et de les faire prendre conscience de ça. Et c'est bien ça le drame de la société actuellement et des médias actuellement, c'est effectivement d'orienter les gens vers une toute autre perspective, qui est une perspective individuelle. Ne nous occupons de rien, occupons-nous de nous et amusons-nous du pain, du vin et des jeux. Hein. Voilà. Je ne dirais pas individuel, parce qu'à la longue, je le dis aussi, moi aussi, mais je trouve ça bien d'avoir d'être aussi individuel dans le sens que vous cherchez aussi un peu par vous-même. Moi, je dirais égoïste. On vous, oui, le système, il vous pousse à être égoïste, à penser qu'à vous. Je trouve que c'est plus juste de dire ça. Oui, mais c'est un côté, disons, moralisateur que je n'aime pas trop. Je crois que les gens ne sont pas devenus individualistes par volonté. Ils subissent des événements sans de perspective de changement claire, qui fait que les gens en arrivent à se replier de plus en plus dans des formes d'individualisme, de cocooning. On se replie sur sa famille, sur soi, sur les gens qu'on aime bien, le quartier, voilà, et on retrouve des solidarités à ce niveau-là. Mais les grandes solidarités, effectivement, capables de transformer radicalement les choses, elles se font attendre, mais effectivement, elles viendront à la fois de la capacité des mouvements et des organisations collectives de relancer une machine et de faire un peu sortir les gens de l'anesthésie dans laquelle ils sont un peu tombés actuellement. Bah, nous aussi, on est dedans, hein. Bien entendu. On fait du blabla. Je ne me suis pas contenté que de faire du blabla dans ma vie. J'ai aussi agi dans des actions multiples. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On peut. C'est pas que parce que je parle que je. Non, mais je veux dire, on peut aller aussi dans la rue faire des poser des actes et pour finir, ça n'a pas vraiment. Ça n'a pas. Alors, vous serez en débat entre nous. Mais moi, je dis vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais proposer? Normalement, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Mais on non, est chien. C'est pas à moi. Mais normalement, moi. Exemple, aujourd'hui matin, ça voilà un exemple d'action qui est autre que d'aller dans la rue simplement. Oui, mais à mon avis, ça va oui, passer comme c'est une ça. Bombe. Non, je dirais pas tout de suite la bombe, moi. Tu l'imagines quand même. Bah, on vient. On les acquis ont été arrachés du patronat, si je dois parler comme. Je veux dire, ça n'a pas été donné, hein, rappelons-le. Écoute, moi, je n'exclus pas, mais je ne. Mais il y a moyen de saboter. Je ne le souhaite pas. Il y a moyen de saboter, il y a moyen de faire des actes forts. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité toujours en France, mais je te signale que, par exemple, des militants syndicaux de l'EDF sont allés saboter des alimentations électriques pour des institutions privées, pour des institutions hospitalières, des crèches, etc., pour réduire des deux tiers le coût de leur électricité. Et ils ont fait ça en toute illégalité, en toute clandestinité. Et quoi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien, c'est pas bien? T'as pas l'air. Oui, mais c'est bien. Ouais. Voilà, c'est des choses concrètes, tu vois. Je crois que. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut. C'est parce qu'on discute. Oui. Oui. Et tu vois, là, c'est un média, tu l'entendrais sur le service public. Voilà, on n'a pas la même vision, mais on a quand même la même vision. On vient du même. Enfin, tu vois, je pense ça. Et c'est intéressant d'entendre des gens qui ne sont pas forcément sur le. Mais moi, je dis, aujourd'hui, il faut arrêter de blablater. Il faut poser des actes, mais des actes balèzes, des actes où on réfléchit à une stratégie, oui. Des actes où on sabote, des actes... Tu comprends? C'est là qu'on va retrouver la flamme de la révolte, quoi. Oui. Mais tu sais, dans l'histoire du mouvement, il ne faut pas aller rechercher... À toute époque, il y a eu des transgressions. Et si on n'avait jamais fait que ce qu'on pouvait faire, on aurait effectivement... pas été aussi loin que ce qu'on a permis comme progrès pendant un certain nombre de temps. Voilà. Mais j'affirme et je continue à persister que je ne suis pas un promoteur de la violence pour la violence. Je la constate. Et surtout, ce que je dis, c'est que le pouvoir qui est en face de nous, qu'il soit économique et les politiques qui le servent, dans leur surdité maladive, idéologique, vont finir par provoquer la violence. Et ce sont eux les provocateurs de la violence. Elle est déjà en cours, cette violence. Hein. Attends, on n'en a peut-être encore pas vu grand-chose. Hein. Non, mais elle est déjà en cours. Je veux dire, regarde les gens comme ils vivent, hein, comment c'est oui, la galère. Si comme... parle... Alors, c'est une violence qui est... Oui, on parle de cette violence. Parce que nous, toi et moi, on est du bon côté, mais je veux dire... Non, mais effectivement, le système économique dans lequel on vit n'a cessé et ne cesse d'agresser de plus en plus et de faire basculer les gens dans la pauvreté, dans la précarité, dans la difficulté. Donc ça, c'est clair. Et cette violence-là, on n'en parle jamais dans les, ou presque pas dans les médias. On parle tout de suite de la violence, d'une action de grève. Il suffit de voir dans les informations, par exemple, quand les travailleurs des transports en commun font la grève parce qu'ils veulent des conditions de travail meilleures pour servir les gens de manière beaucoup plus efficace, qu'est-ce qu'on dit ? Quelles sont les informations qu'on donne ? Eh bien, nous annonçons les difficultés que les passagers ont eues et on va interviewer des gens pour dire « Ah, mais moi, j'ai voulu aller au travail et je n'ai pas su y aller. » Ça, c'est en général le type d'information et très peu les explications sur les raisons qui fondent l'action des gens. Mais voilà. Donc c'est en cela, évidemment, pour en revenir à la question des médias et de services publics en particulier, mais de tous en général, que je suis obstinément contre. Heureusement, il y a quand même des médias, et même à l'intérieur du service public, un certain nombre de journalistes ou d'émissions qui en vaillent vraiment la peine. Le problème, c'est qu'il faut réaccrocher les gens à ce type d'émissions-là. Parce que généralement, c'est des gens comme toi et moi qui les écoutons et pas ceux qui devraient les écouter. Voilà. Ouais, c'est ouais. Comment toucher Comment toucher ? Bah, il y avait les gilets jaunes pendant tout un temps où c'était facile. On allait avec le micro, on allait les rencontrer, quoi. Hein. Mais c'est ça. Mais ok, le gilet jaune c'est un phénomène social. Il ne faut surtout pas le marginaliser. Je pense que les gilets jaunes ont fait vraiment peur au pouvoir en France. Je parle en France, en Belgique ça n'était pas terrible, mais en France, je crois que le pouvoir a vraiment eu peur. Hein. J'écoutais Pierre Rosanvallon, qui est un ancien syndicaliste et un sociologue actuellement, professeur d'université, qui disait les gilets jaunes, en quelques semaines, mois, ont fait débloquer 17 milliards d'euros au gouvernement français pour essayer d'approcher leurs revendications. En quelques moments, hein. Alors que 17 milliards, si on les demandait comme ça, on enverrait les gens bouler, évidemment. Hein. Oui, ça, c'est une question d'argent, mais les gilets jaunes demandaient aussi à refaire du politique. Hein, mais ça, c'est fondamental, quoi. C'est super important de dire, attendez, nous, on veut aller le RIC, là, le référendum d'initiative citoyenne, on veut faire partie de la table des débats, quoi. On veut aussi discuter. Non. Je trouve ça, c'était magnifique, quoi. Okay. Et des gens qui n'ont jamais été à des manifestations, qui n'avaient aucune notion de politique. Moi, je ne suis pas... J'ai été interpellé, évidemment. Je n'étais déjà plus en activité syndicale à ce moment-là. Mais je n'ai jamais... J'ai été interpellé, je veux dire, comme syndicaliste, parce que syndicaliste, on le reste, même si on arrête à un moment donné son activité professionnelle. Et donc, ça m'a interpellé en disant « Comment se fait-il que les organisations syndicales ne sont pas à la manœuvre dans un truc comme ça ?»« Ah, ne sont pas à la manœuvre, tu veux dire ?» Je veux dire, elles étaient quand même relativement absentes, si tu veux, en France, en tout cas. C'est un mouvement qui est au-delà du syndicalisme. Oui, mais enfin, ça touche... Ce que les gens demandaient au travers des gilets jaunes, enfin, ça a été il a fallu un certain temps aussi pour décanter les revendications, parce que tout partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait énormément de revendications fort disparate, pas contradictoire, mais fort disparate, et donc il fallait un petit peu structurer les affaires. Mais soit, mais je veux dire, ils ont fait ça eux-mêmes, il y a eu peu de mouvements importants structurels qui ont aidé vraiment. C'est ça que je veux dire. Explique ça comment être... bah, Je pense que la trajectoire, la lourdeur aussi de certaines organisations les empêche d'avancer vite et de comprendre vite l'histoire. Et que donc la mise en route de réactions ou d'actions permettant des changements prenne un temps infini. Attends, là j'ai perdu le fil. Donc la question c'est pourquoi les gilets jaunes, plutôt pourquoi les syndicats n'ont pas rejoint les gilets jaunes pour... Il y a eu une méfiance en se demandant mais d'où ça vient, qui c'est Les gilets jaunes ? Oui, je suppose que de la part des organisations syndicales, la question... Tu discutes plus de ça avec eux aujourd'hui ? Non, quand même, écoute, chacun son temps, mais cela étant... Si on est passionné, on est passionné, tu vois, oui, j'ai envie... Oui, d'accord. Mais oui, mais je ne suis plus dans les instances syndicales comme telles, quoi. Je laisse la place aussi aux jeunes, hein, bon... Et mais cela ne m'empêche pas de dire ce que je pense en te voyant en face de moi. Donc je pense qu'il y a eu une difficulté et une méfiance au point de départ qui fait que... De part et d'autre, parce que les gilets jaunes ne voulaient pas se faire récupérer aussi. Voilà, hein. C'est ça aussi, ben, tu vois. Donc là, bon, moi, j'étais pas non plus en France pour savoir précisément quelle était la situation et le niveau de méfiance mutuelle, hein, j'en sais rien. Mais j'explique la chose comme être, de mon point de vue de syndicaliste ayant vécu une part de l'histoire syndicale récente, si tu veux, c'est que le temps de mise en route d'actions importantes fait que cette pesanteur est une difficulté pour moi. Et je pense aussi que... Là, je me perds. Hein. Là, je suis occupé à me perdre. Le monde ouvrier est un monde ouvrier qui n'est plus non plus très homogène. Hein. Et il est multiple. Et rendre une cohésion et une analyse commune à l'ensemble du monde du travail pour faire en sorte de faire comprendre les choses et de faire avancer les choses dans le même sens, c'est pas aussi évident que ça. Tu parles des ouvriers syndiqués ? Oui, parce que quand tu discutes... c'était encore le cas il y a peu. Maintenant, je pense qu'avec ceux qui nous tombent dessus, sur la question de l'austérité, etc., les gens commencent... Et l'insécurité que vivent de plus en plus de personnes fait que je pense que les gens, en tout cas, et c'est ça l'enjeu syndical, c'est que les syndicats parviennent à recoaliser les travailleurs et transformer leur inquiétude et leur angoisse dans une révolte. Et ne pas les voir se disperser dans des dérives ou vers des dérives qui sont catastrophiques pour la démocratie et pour eux-mêmes. Donc, tu penses à quoi, là ? Je pense que si les organisations ne sont pas capables, dans un temps rapide, d'avoir un rapport de force transformateur, donc avec les actions nécessaires et suffisantes que pour y parvenir, les gens vont désespérer de changement et le changement qu'ils voudront ou qu'ils prendront, c'est vraiment pas celui qui est souhaité qu'ils prennent. Parce que ce que l'extrême droite propose et qui semble attirer quand même un certain nombre et de plus en plus de personnes, parce que quand on les entend parler dans les bistrots, dans les rues, etc., quand on les entend parler de racisme, le racisme, il fait des dégâts dans la cervelle des gens. Hein. Des gens qui n'ont jamais eu à se confronter ou à être concurrents d'aucune manière avec un réfugié, avec un immigré, avec un étranger, ils parlent d'eux comme des ennemis incroyables. T'as entendu ça, toi ? Oui, mais il suffit d'écouter ce que les gens disent. Hein. Je trouve que... Ils sont tous en train de soutenir les gens près du petit château. Non, mais c'est une minorité qui est vraiment purement raciste. Après, c'est une construction, ou bien c'est de la provoque, ou bien c'est... C'est pas de la provoque, c'est de la conviction. C'est pas de la conviction militante, hein, mais c'est de... Ils sont imprégnés, intoxiqués par les informations qu'ils reçoivent, par les médias qui leur lancent des trucs. Quand tu regardes une émission soi-disant humoristique comme Le Grand Cactus, là, Bon, on se fout de la gueule des gens, hein. C'est du populisme. Ça frôle quand même souvent avec des éléments de type de nature raciste quand le sujet arrive. Donc, je trouve que les gens, ils sont captés par rapport à ça. Et donc, je trouve qu'il y a un sérieux travail de désintoxication idéologique à faire. On arrive vers la fin, Michel. Mais j'ai encore une petite question, moi. Entre... Bon, là, c'est important de... Moi, je cherche la vérité, même si ce mot, il est... C'est-à-dire que je vais pas... Si je me suis trompée, je me suis trompée. Tu comprends ? Oui. Et je trouve ça super de des gens qui se disent... Ben voilà, désolée, je me suis trompée. Je suis pas infaillible, tu vois. Mais... Toi, quand tu parles de racisme, est-ce que tu le vois via Internet, via le réseau, tu vois ? Ou bien est-ce que tu le vois dans ta vie de tous les jours ? Alors, non, mais des fois, il y a un décalage énorme aussi entre les gens qui vivent dans leur bulle, où en effet, sur le réseau, on voit des propos racistes. En effet, dans les grands médias, on voit des choses qui sont pas chouettes. Tu comprends ? Oui. Et puis après, quand tu discutes avec monsieur, madame, tout le monde, tu te rends compte que, ok, il y en a un, il va dire, ouais, c'est étrange. Tu vas discuter avec, et puis on va être d'accord qu'au fond, c'est pas les étrangers le problème. Tu vois ? Et il le sait. Mmh. C'est plutôt ceux qui organisent tout ça, tu vois. Donc, ce que je constate et ce que je dis, c'est parce que je l'entends, je le constate dans des réunions, qu'elles soient familiales ou autres. Dans ta famille, quoi. Familiale, je ne connais que la mienne, je ne connais pas celle. Mais dans ta famille, ça veut dire qu'il y a des gens qui tiennent des propos. Ok, ta famille. Voilà, donc... c'est pas des propos militants, hein, mais c'est des trucs qui comme ça, ça coule de sorte, quoi. Donc je me dis que... Et ce n'est pas un phénomène très localisé. Je trouve qu'on trouve ça régulièrement, et parmi les gens qui sont souvent en état d'insécurité vitale. Enfin, qui se demandent quoi dans la vie, et qui donc considéreront... que leur ennemi, ce n'est pas le grand patronat riche, mais que c'est celui qui vient, soi-disant, prendre l'emploi. Oui, qui prendre l'emploi et le pain. Et il voilà, n'y qui a pas assez d'argent pour tout le monde. Qui est en concurrence par rapport à moi, par rapport à ma sécurité, etc. etc. C'est complètement subjectif et faux. Ils n'ont jamais rencontré un étranger de leur vie. Mais surtout, c'est faux. Il y a assez de pognon pour gérer tout le monde. Évidemment. Ils n'ont jamais rencontré... il n'a jamais eu un réfugié ou un étranger qui les ont pris par la gorge en disant « Vite menacé, sale blanc et compagnie ». Enfin, je veux dire, tu vois, c'est... Non, c'est... Je pense que c'est ça aussi la grande difficulté, c'est que les gens que nous sommes censés coaliser... parce qu'ils ont un intérêt commun, deviennent presque des opposants, et qu'il faut les faire se réidentifier dans un intérêt commun et dans une perspective commune. Ça, je pense que c'est la grande difficulté du moment et la grande urgence du moment. Oui, et ça donne l'impression, c'est comme si, de toute façon, on a dépolitisé un peu le monde... Enfin, le monde, là, ici, on parle ici en société, là, en Belgique, on va parler, mais c'est pas qu'en Belgique, hein, on a dépolitisé les gens, et du coup, c'est pas étonnant. Voilà. Tu vois, c'est ça qui se passe aussi, parce que si on avait une lecture de ce qui se passe, on comprendrait qu'en fait, c'est pas le réfugié le problème, c'est pas le migrant le problème. Et que si le bien-vivre en société et en solidarité était la valeur principale des gens, nous éviterions effectivement toutes ces dérives que nous observons maintenant et nous combattrions beaucoup plus facilement ceux qui prétendent les animer. Merci. Ça se termine bien. Ça se termine toujours bien. Et de toute façon, même, je trouve qu'on... C'est parce que moi, crois-moi, je ne t'empêche pas de parler, mais j'ai aussi envie de développer mon idée jusqu'au bout, tu vois. Mais c'est ça, ce à quoi je n'étais pas habitué dans ce genre de relation aujourd'hui. Ah non, moi, j'aime bien, justement. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que c'était moche. Mais il faut pouvoir rentrer juste dans cette dynamique-là, tu vois. Ouais, c'est pas toi qui parles tout seul. Il y en a un autre qui réagit. Ben, tu rentres dans le débat aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais tiens, juste pour conclure... tes syndicats, et c'est quoi l'acronyme CN ? C'est quoi ? En fait, ça s'appelle la Centrale Nationale des Employés. Okay. La CNE, retiens ça. Okay. qui, en fait, la CNE, elle s'occupe de, dans les secteurs privés, des secteurs non marchands, des secteurs, mais de tous les employés. Enfin, maintenant, tu sais, on a, apparemment, mais ça, il y a longtemps que j'ai quitté, moi, donc, mais on uniformise maintenant le statut ouvrier, employé, presque. Mais avant, tu avais une catégorie, l'école bleue, l'école blanche, voilà. Et donc, ben, nous, c'était l'école blanche, voilà, mais qui ont aussi évolué. Et donc, dans les, je trouve que c'est une des centrales professionnelles, comme on dit à l'intérieur de la CSC, la plus progressiste. On dit d'ailleurs entre la CNE, c'est la CNE de la CSC. Ça lui fait attraper des petits boutons.